Chapitre 224. Questions en rapport avec le jeûne. 1242. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le jeûneur qui par oubli mange ou boit doit continuer son jeûne. C'est Allah en effet qui l'a nourri et abreuvé. Al-Bukhari et Muslim. 1243. Laqit ibn Sabira radiallahu anhu rapporte avoir interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sur les ablutions, voudou. Il lui répondit: accomplis les ablutions avec soin, en lavant ce qui se trouve entre les doigts, tahlil, et en aspirant profondément de l'eau à l'intérieur du nez, istinshaq, sauf si tu jeûnes. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 1244. Selon Aisha radiallahu anha, l'aube, Fajr, arrivait parfois alors que le prophète alayhi salatu wassalam était encore en état d'impureté majeure, janaba, après avoir eu des rapports conjugaux durant la nuit. Il effectuait alors les grandes ablutions, puis jeûnait cette journée. Al-Bukhari et Muslim. 1245. D'après Aisha et Salama, radiallahu anhuma, il arrivait au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de se retrouver à l'aube en état de janaba, nécessitant un rusl, après des rapports conjugaux, et malgré cela, il jeûnait cette journée. Al-Bukhari et Muslim. 1246.